Marcel Schwab, Cruchette. AWGC Bivanc. As-tu encore un peu d'eau dans la cache, frangin ? Je me meurs, dit Jambe de Laine. Nip de Lance, répondit Silo. Mais Cruchette va venir. Les cailloux semblaient rouges, tant le soleil ensanglantait les yeux. La bruyère était sèche. Les clochettes bleues s'abattaient sur la mousse brûlée. Il y avait un petit bois de chêne nain au bout de la lande et le cri des oiseaux y sonnait frais. Assis parmi les meules pierreuses, Silo et Jambe de Laine, épuisés de chaleur, frappaient mollement les cailloux de leur masse de plomb. « Eh ben, si t'avais été joyeux, petite Jambe, » dit Silo, « t'aurais cramsé sur la route ou au fond d'un trou. Hardy, la gradaille va rappliquer. T'as des bras de lait, pauvre petit homme. Tiens, je te vas éclater ton fat caillou. Gare, je picota. J'ai mal, dit Jambe de Laine, soulevant à peine sa tête pâle. Va donc, soldat, reprit Silo. Est-ce qu'on meurt dans les champs de pierre? Voilà Cruchette, n'y a pas de foin, tout est franc comme l'or. Nous allons boire, enfin. Derrière les monceaux de cailloux, parut la figure craintive d'une fille brune. Elle guetta les alentours, s'essuya les joues et apporta une cruche à l'ombre de la meule où travaillaient Silo et Jambe de Laine. « Cruchette, Cruchette !» dit Silo. « Mon copain est malade. Donne-lui un coup d'eau fraîche. C'est un bon garçon, il a de la peine. Je vais vous laisser. Si le sergent vient, défilez-vous par le fossé. Moi, je vais refaire le manche à ma masse. » Cruchette se glissa timidement jusqu'aux pierres. Le bourgeron levé sur le pot, Jambe de Laine y but longtemps. Puis il regarda les yeux de la fille. « Et c'est tout ? » dit-il. « Comme tu voudras, » répondit Cruchette. On ne les surveillait pas beaucoup. Les sergents passaient toutes les heures, sachant que les hommes punis de prison préfèrent le travail des cailloux au peloton de chasse. De l'appel du matin à l'appel du soir, le calot baissait sur les yeux, il maniait la masse de plomb et rentrait dans la prison pendant la nuit. Silo, ayant servi en Afrique, connaissait les compagnies où l'on peine sous le revolver. Il avait la figure osseuse et tannée, des membres longs et l'œil féroce. Jambe de Laine venait on ne sait d'où. Il était faible, paresseux et lâche. Mais son sourire était tendre, ses yeux pleins de charme et sa démarche très nonchalante. Silo et Jambe de Laine devinrent comme deux frères. L'ancien, qui avait sué dans des trous au pays du soleil, eut pour le jeune une grande sollicitude. D'ordinaire, il doublait son travail en cassant les pierres de Jambe de Laine. Et lorsque celle qu'ils avaient appelée Cruchette apparaissait vers le milieu du jour, Silo l'amenait vers le petit frère qui avait les foies blancs. « Tiens, Cruchette, » disait-il, et, crachant de côté, « Petit, voilà de quoi boire, passe ta peine. » Et d'où venait Cruchette ? Comme un papillon qui vole autour d'une chandelle, cette fille à la cruche errait parmi les prisonniers. Elle leur tendait le pot et la bouche. Elle ne parlait presque pas et pleurait avec les plus jeunes. Quelquefois, elle avait déjeuné dans les cheveux, les mains terreuses, les seins parfumés de foin. Si elle se sentait les joues rouges, elle les appuyait au ventre brun de sa cruche pour les pâlir. Elle paraissait aimer son pays et ses landes pierreuses. « Cruchette, lui dit Jambe de Laine, étendu dans le fossé, une main derrière la tête. « Ce n'est pas une vie. J'ai encore 40 jours à tirer. Veux-tu nous en aller ?» Cruchette le regarda avec de grands yeux. « Oui, reprit Jambe de Laine, on en a parlé déjà avec Silo. La mer n'est pas loin et ça le connaît. Il y a une crique par là-bas. On démarrera un canot. Nous irons en Angleterre. Sur les quais de là-bas, on trouvera bien à s'embaucher. J'apprendrai le métier. Ça nous mènera dans les Indes, où les hommes sont couleur de cuivre. Si nous avons de la chance, nous irons dans leurs montagnes, qui sont pleines d'or, et nous ferons ce que nous voudrons. » Cruchette secoua la tête. Deux gouttelettes transparentes coulèrent sur ses joues. Jambe de Laine lui caressa les cheveux. « Laisse-moi pleurer, » dit-elle, « ça me fera du bien. Comment veux-tu que j'aille? Mes pieds sont nus. On me chassera de tous les bateaux. Je ne sais pas ce que c'est que les Indes. Ici, j'aime mes fleurs jaunes et mes hommes qui travaillent dans les cailloux, et je leur donne à boire. Mais tu ne t'en iras pas, petit ami. » Jambe de Laine haussa les épaules. L'heure chaude passait. Silo siffla doucement pour avertir que le sergent arrivait. Tous deux, accroupis, soulevèrent la masse et la battirent avec un roulement de pierre. Puis les ombres s'allongèrent. On entendit des voix. Au commandement, des hommes en bourgeron se levèrent et vinrent en file déposer aux pieds du chef d'escouade leurs marteaux de plomb. Puis se forma la colonne par quatre pour entrer au quartier. On ne fit pas l'appel avant de remettre les soldats en prison où les gamelles pleines étaient rangées sur les bas de flanc. Mais le soir, quand le commandant de poste, lanterne au poing, compta ses prisonniers dans la salle d'allée, il lui manquait deux hommes, Jambe de Laine et Silo. Ils avaient roulé leurs bourgerons et leurs calots sous les pierres. Nu-tête, la chemise ouverte, il suivait la lisière de la route vers la mer. La brise de la nuit soufflait. Jambe de Laine marchait plus lentement. « Allons, dit Silo, t'es plus dans la peine, mon gars. T'as des plumes aux pattes, comme les chouans qui volent le soir. » L'air était salé. Ils ne dirent plus rien, tandis que leur godillot faisait crier la terre sèche. Les haies blanches de brume noircissaient derrière eux. À l'horizon, des moulins à vent sombre faisaient tourner leurs ailes encore un peu rougies par le soleil. « Et Cruchette ? » dit Silo tout à coup. « Va donc, nous en retrouverons dans les Indes, des Cruchettes avec des yeux doux. « Mais mon gars, maintenant t'es plus dans la peine, y aura part à deux. » Jambe de Laine ne répondit pas. Il était là, peut-être. La lande s'abaissait, grise, vers la mer. On entendait les lames qui brisaient. Par le sentier de ronde, Silo mena son camarade à la petite crique, où une barque, rame rentrée, était couché sur le sable. Comme il s'approchait, de l'intérieur de la barque surgit une forme féminine. « Je m'en vais avec vous, » dit-elle en riant à travers ses pleurs. « Cruchette, » dit Jambe de Laine, « viens-nous-en, Cruchette est venue. » « Pour moi, mon gars, » répondit Silo d'une voix profonde. « Pour moi, mon vieux, » cria Jambe de Laine. « Dis donc, on n'est plus sur les cailloux ici. On fait ce qu'on veut, je n'ai plus besoin de toi. »« Cruchette, » dit Silo. « Cruchette, » dit Jambe de Laine. Et elle courut entre deux. Car l'un en face de l'autre, près de la barque et du flot qui tremblait, à la lueur de la lune montante, ils avaient tiré leur couteau blanc.